Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. Nous arrêtant à tous les pas. Nous arrêtant à tous les pas. Buvant du cidre à chaque village. Buvant du cidre à chaque village. Cueillant dans les clos des lilas. Cueillant dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons emphatiques. Des lapins prolifiques. Des chapons vieux garçons. Nous avons rencontré des oies très distinguées. Des poules intriguées et des cœurs de pinson. Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé. La mercière et son frère, leur sauveur et sa sœur. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. Tous les ruisseaux ont rajeuni. Tous les ruisseaux ont rajeuni. Les bois ont mis leur robe verte. Les bois ont mis leur robe verte. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Et l'on dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles enfiévrées. Des cigales inspirées. Des lézards couchés tôt. Nous avons rencontré des vaches en robe de bure. Des chèvres en fourrure, des moutons en manteau. Nous avons rencontré le sacristain et son chien. La baronne et sa bonne, le bedeau et son veau. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. On refuse du monde dans les nids. Une seule rose s'est offerte à 20 papillons réunis. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour du printemps. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Les oiseaux se mettent en ménage. Tout le monde voudrait en faire autant. Monsieur du parquet, mademoiselle Ciboulette, mais c'est un miracle. Ah, je me souviens, je me suis endormi dans une charrette de légumes au hall. Oh, dans ma charrette, un vrai miracle. Mais où sommes-nous ici? En plein drame, et à Aubervilliers. Oh, comme c'est sauvage. C'est la campagne? Non. C'est la province? Oh, non. Un village? Non. Bah alors, qu'est-ce que c'est?